chant, ces rigueurs vont désadrer. Souffrez que l'amour vous lira, je le cœur c'est déjà ce feu. Sous l'amour et la folie, il n'est point de moments heureux. Suivez de l'île charmante, jouissez d'un bonheur constant. La tendre folie enchante, la sagesse en fait elle autant. Souffrez que l'amour.